Il s'en fut à la chasse, à la chasse au père des carabines. Titi carabi, toto carabo, compère guiri. Te verras-tu, à la chasse au perdri carabi. Il monta sur un arbre pour voir ses chiens courir carabi. Titi carabi, toto carabo, compère guiri. Te verras-tu, un arbre pour voir ses chiens courir carabi. La branche vint à rompre et Guillery tombit carabi. Titi carabi, toto carabo, compère Guillery. Te verras-tu, mourir. La branche vint à rompre et Guillery tombit.